terre, on est un peu le feu parce qu'on doit déchirer, parce qu'il n'y a pas de concrétisation. Il y a beaucoup de choses qui vont avancer pour être positif. Beaucoup de choses qui vont, il y a, je suis pas sans évidence. Pas besoin de coke ou de médaille, pas besoin de beaucoup de constats. Beaucoup de choses qui vont pas, beaucoup de Twilight Zone. Beaucoup de John Woo, c'est qui là dans le voodoo. Et tu sais, ça vient comme un boomerang, Vincent Kent. C'est comme ça que ça va avancer. Et tu vois exactement, je suis pas espiéglé. Je suis bien un peu le minus. Y'a pas de grandus. C'est comme ça, je les prends toujours au même niveau. C'est toujours les mêmes qui vont. Tu sais qu'on fait pas les costauds, pas les costauds. Mais bien entre le bien, mais le milieu. On est comme ça, on équilibre. Fire Vassa, tu sais comment que ça se passe. Tu sais comment on était. Comment on joue pas les dégueulasses. Des fois on trouve un peu la vérité dans ses côtés, à gauche, à droite, mais quand même on va avancer. Je suis comme ça, tranquillisé. Tu vois exactement que j'ai pas subtilisé la vérité à qui que ce soit, à qui que ce soit. Et j'ai pas dit de conneries. Alors on va avancer, continuer. C'est exactement que je suis pas là pour le blé. On continue pour faire de la zik. J'exagère pas quand je dis, j'explique pas. Parce que je ressens, je suis comme ça, j'ai pas besoin de plan. Quand il s'agit de musique, je parle de James Brown. Well, c'est comme ça que ça vient, comme le miau. C'est qu'on était exactement les mêmes sauvages sur les matelas avec les gonzesses. C'est comme ça, on frottait de gauche à droite. C'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça, rien on disait, on oubliait. Le prochain journée, je sais pas. Reviens dans la génération, tous planqués là derrière leur écran. Moi je fais de la zik avec mes potes intergalactiques. Parce que c'est comme ça, pas besoin que je t'explique. On continue sur la même vibe. C'est les mêmes frissons qui t'entendent. C'est comme ça, ça devient vachement tentant de devenir breakdown. Facile tout ce chemin, on est quand même arrivé à trouver ce scrutin. Et yo, rien à foutre des élections. Je reviens, ils nous reprennent pour des cons. Ils laissent schleifen. Moi je suis pas comme ça, tu sais, moi j'active. Activiste comme Greenpeace, maintenant c'est menaçant. Moi je suis pas comme ça normalement. Mais honnêtement, de vous à moi, moi je donne mon meilleur. Moi j'ai des frissons en ce moment parce que cette musique me donne revêtement. C'est comme ça, comme des nouveaux habits, comme un smoke tick de James Bond qui me fout une gifle, parle jamais carré. Ça fout le carré plein. Thank you. L'action brûle une session, c'est pas qu'une impression. Dit so far away. I saw a lot of solutions so far away. I saw the solutions for everybody, but no one could hear. I had so many thrills, even connection was there. We can be in the weather. It was too much. I flew over the cuckoo's nest. All that was not too much. It was to see all the colors, all the brightness. I was a printer, and you know where I find myself. What else? So many people doing the best. Thank you.

Thank you.